Chapitre 4e, troisième voyage. La Trinité, le continent américain, les îles Tobago, Grenade, Margarita et Cubago. Le grand navigateur ne se laissa pas décourager par l'ingratitude de ses compatriotes. Si le grand côté, le côté génial de sa mission était en quelque sorte accompli, il restait à satisfaire le petit côté, le côté humain. Christophe Colomb, il faut le dire, sans crainte d'affaiblir la dette de reconnaissance que la postérité a contractée envers lui, était un homme de son époque. Il avait rêvé la richesse pour lui et les siens, et sa grande œuvre terminée, il se préoccupait uniquement de la recherche de l'or, qui pouvait le rendre égal et même supérieur en puissance à tous ces nobles hidalgos qui dénigraient maintenant son entreprise, précisément parce qu'il n'y avait pas trouvé la fortune qu'ils espéraient. Aussi s'employa-t-il activement à organiser une troisième expédition sous les auspices du gouvernement espagnol. Ce ne fut pas sans peine qu'il triompha du mauvais vouloir de ses ennemis. Mais ni les fatigues qu'il se préparait pour l'avenir, ni les calomnies qu'il avait à faire taire dans le présent, ne le rebutèrent et le 30 mai 1498, il put échapper aux ennuis de toutes sortes qu'il avait éprouvés depuis son retour. Bien que souffrant de la goutte, il mit à la voile avec 8 vaisseaux sur lesquels il avait embarqué 60 matelots, 100 fantassins, 40 cavaliers, 50 laboureurs, 20 mineurs, 20 ouvriers de professions diverses, 30 femmes, des médecins et même des musiciens, en un mot, tous les éléments d'une colonisation sérieuse dont il prépara l'avenir en obtenant du roi que toutes les peines criminelles en usage en Espagne seraient commuées en une déportation aux îles et en inventant cette réhabilitation des convicts par le travail dont l'histoire a fait les honneurs à l'Angleterre. Guetté au large du Cap Saint-Vincent par une flotte française qui voulait entraver son expédition, Colomb se dirigea sur Madère, d'où il expédia à l'île espagnole 5 de ses navires sous les ordres des capitaines Pedro de Arana, Sanchez de Cabarral et l'un de ses parents, Jean-Antoine Colomb, ne gardant pour lui qu'un vaisseau et deux carbelles avec lesquels il mit le cap au midi pour couper l'équateur et chercher des terres plus riches en productions de toute nature. Après avoir touché aux îles du Sel et de Santiago dans l'archipel du Cap-Vert, il en repartit le 4 juillet, fit 120 lieues dans le sud-ouest, puis, pour ne pas se laisser immobiliser sous la zone torride par un calme qui se prolongeait, il prit sa direction tout à fait à l'ouest et découvrit, le 31 juillet, une île qu'il nomma Trinité. Cette île était fort rapprochée de la côte, mais Christophe Colomb, qui ne cherchait pas le continent de ce côté, s'en douta d'autant moins que les matelots qu'il envoya à terre le lendemain, quand il eut mouillé près de la pointe d'Alcataraz, lui rapportèrent que le pays était inhabité. Cependant, une grande pirogue, montée par 24 naturels vêtus d'une petite jupe de coton aux vives couleurs et coiffée d'une espèce de turban de même étoffe, se montra autour de la flottille, mais on ne put les attirer à bord par l'appât des miroirs et des verroteries, et cette reconnaissance des Indiens se termina par une démonstration hostile. Ils ne disparurent qu'après avoir lancé une pluie de flèches sur la caravelle la plus voisine. Le lendemain, l'amiral prenait terre sur les rivages du Venezuela, qui forme le delta de l'Orénoque. Mais les branches multiples de ce fleuve lui firent croire qu'il était encore dans une île à laquelle il donna le nom de Gracia. C'était bien le continent qu'il avait tant cherché jadis et qu'il croyait avoir trouvé à Cuba. Mais Colomb n'eut pas le temps d'en prendre parfaite connaissance, assailli dans le golfe de Paria, qui se trouve entre la côte et la Trinité, par une tempête dans laquelle il courut les plus grands périls. Il se hâta d'en sortir, non toutefois sans avoir reconnu et baptisé le cap de Peneblanca sur l'île de la Trinité, le cap La Paz sur le continent, et plusieurs ports, notamment celui des singes à l'embouchure de l'Orénoque, ni même sans avoir débarqué à l'ouest de la pointe Cumana, où il reçut un accueil excellent des habitants, qui lui affirmèrent qu'au-delà de la pointe d'Alcataraz, le pays était très riche en or et en perles. L'amiral eut bien voulu pousser jusque-là, mais il ne voyait sur cette côte aucun abri pour ses navires. D'ailleurs, sa santé était sérieusement altérée et il avait hâte d'arriver à Isabelle, que ses équipages fatigués demandaient à grands cris. Il côtoyait donc le Venezuela en entretenant le plus possible de relations avec les indigènes, qui étaient de complexion magnifique, de physionomie agréable et beaucoup plus civilisés que tous ceux qu'il avait vus jusqu'au 23 août, époque où, quittant le golfe de Paria par cette passe étroite, qu'on appelle encore la bouche du dragon, il gagna la pleine mer. Il ne tarda pas à y découvrir l'île de Tobago, situé au nord-est de la Trinité, puis, plus au nord, Conception, nommée aujourd'hui Grenade. De là, revenant au sud-ouest, il longea la côte américaine pendant environ 40 lieues, reconnut l'île de Margarita et celle de Cubago, voisine du continent. Il eut bien envie de prolonger son séjour dans cette dernière, car les indigènes y avaient établi une pêcherie de perles, et il lui fut facile de s'en procurer une grande quantité et de fort belles en échange de débris de faïence et de grelots. Mais ses équipages étaient exténués, le nombre des malades augmentait à bord, il continua sa route en pointant directement sur l'île espagnole. À ce moment, la discorde régnait dans la colonie qui était de plus menacée par les indigènes révoltés, et il était temps que l'amiral y arrivât pour y rétablir l'ordre. Pendant son absence, son frère Barthélemy avait, sur ses indications, fondé à 50 lieues d'Isabelle, près d'un port magnifique et à l'embouchure d'un beau fleuve, la ville de Saint-Domingue, qui devint plus tard la capitale de l'île. Il en était naturellement le gouverneur, pendant que son autre frère, Don Diègue, continuerait à administrer Isabelle. Cet accaparement de pouvoir par la famille de Colomb avait d'autant plus irrité les Européens que tous ceux qui étaient venus depuis la découverte des mines d'or étaient des aventuriers et des gens sans aveu qui, attirés seulement par la cupidité, étaient déjà fort mécontents de ne pas faire fortune immédiatement et sans travail. Il n'y avait d'ailleurs pas besoin de leur intervention pour indisposer la population indigène et fomenter le désordre. Car, d'un autre côté, les Espagnols, commençant à pratiquer le système d'exaction et de cruauté qui plus tard ensanglanta et dépeupla le Nouveau Monde, avaient soulevé tous les habitants par leurs exigences, leur perfidie et leur violence. Christophe Colomb allait donc avoir à la fois à contenir les Espagnols et à combattre les Indiens. À l'égard des indigènes, il déploya une habileté qui évita tout conflit, et contre les Espagnols, il fit acte d'autorité. Donnant tout naturellement raison à ses frères, il publia une proclamation pour appeler dans le devoir tous les Espagnols révoltés contre leur autorité, et tous ceux qui ne se soumirent pas aussitôt furent embarqués le 18 octobre sur 5 navires que l'amiral envoya en Espagne sous les ordres d'un officier chargé d'un rapport sur les découvertes nouvelles et l'état de la colonie. Ces nouveaux mécontents arrivèrent en Espagne au moment où le roi Ferdinand, écoutant toutes les calomnies qui n'avaient cessé de s'accumuler contre Colomb et ses frères depuis le départ de l'amiral, était fort prévenu contre lui et commençait à regretter d'avoir investi de si grands pouvoirs et de si brillants privilèges un homme d'une naissance obscure qui était de plus étranger. Ils augmentèrent par leurs accusations la jalousie du roi, qui ne trouvait même plus de contrepoids dans la bonté d'Isabelle. Car la protectrice avouée du marin génois, outrée en voyant débarquer un convoi de 300 Indiens, accarés à leur pays et traités en esclaves, avait abandonné son protégé. Ses ennemis eurent alors la partie belle, et ce fut bientôt un bruit public que Christophe Colomb, ne se contentant pas d'exercer un pouvoir tyrannique qu'il partageait avec ses frères, s'enrichissait aux dépens du trésor royal et se préparait à se faire le conquérant et le roi des pays qu'il avait découverts pour le compte de l'Espagne. La cour ordonna pour la deuxième fois une enquête sur la conduite et la gestion de l'amiral et en chargea un commandeur de Calatrava, François de Bovadilla, qui partit pour l'île espagnole en juin 1500 avec les titres d'intendant de justice et de gouverneur général. Cette nomination était la destitution de l'amiral. C'était plus encore car Bovadilla était investi d'un pouvoir sans limite par la lettre royale suivante. Don Christophe Colomb, notre amiral dans l'océan, nous avons ordonné au commandeur Don François Bovadilla de vous expliquer nos intentions. Nous vous ordonnons d'y ajouter foi et d'exécuter ce qu'il vous dira de notre part, moi le roi, moi la reine. Si l'illustre navigateur avait eu véritablement l'intention de se rendre indépendant de l'Espagne, il ne pouvait trouver meilleure occasion de faire jeter à la mer le commandeur Bovadilla et ses lettres patentes, d'autant plus qu'il avait été fort insolent et que son premier acte, arrivant à Isabelle pendant l'absence de l'amiral, qui était occupé avec son frère Barthélemy à faire construire un fort dans le canton de Xaraga, avait été de jeter dans les fers le gouverneur Don Diègue. Mais la pensée de Christophe Colomb n'avait jamais été poussée de ce côté. Il avait pour Isabelle une respectueuse reconnaissance qui lui faisait oublier l'ingratitude de Ferdinand, qu'il avait toujours trouvé indifférent et vain, mais qui se montrait aujourd'hui oublieux de ses promesses, puisque dans sa lettre, il ne lui donnait plus le titre de vice-roi conféré autrefois comme l'une des conditions de l'entreprise. D'ailleurs, fort de son innocence, Non seulement l'amiral reconnut Bovadilla comme intendant de justice, mais il le pressa d'ouvrir l'enquête qu'il était venu faire sur sa gestion et l'état de la colonie. Mal en prit au pauvre grand homme, car le voyant disgracié, tout le camp des faux amis se souleva contre lui et se tourna, selon l'usage des cours, vers le soleil levant. Ceux-là même qui lui devaient leur état, leur fortune, le chargèrent, si bien que Bovadilla, qui ne cherchait d'ailleurs qu'un prétexte pour se mettre au lieu et place du conquérant, fut presque en sûreté de conscience, l'accuser de haute trahison et à ce titre, le faire charger de fer, jeté sur un vaisseau pour l'envoyer en Espagne, sous la conduite d'Alonso de Villero. Cet indigne traitement émut tellement les hommes de cœur que le capitaine Villero, sitôt son navire en marche, vint trouver respectueusement Christophe Colomb pour le délivrer de ses chaînes. Mais le grand homme, dans son indignation, refusa tout allégement à sa peine. Il conserva ses fers pendant tout le voyage et voulut, lui conquérant du Nouveau Monde, arriver dans son royaume d'Espagne qu'il avait enrichi, lié comme un scélérat, traité comme un criminel. Toute la honte était pour l'Espagne. Elle la sentit immédiatement. Devant le martyre de l'homme de génie, l'opinion publique se révolta et à travers les mauvaises passions si injustement surexcitées, la reconnaissance se fit jour en même temps qu'une explosion de colère contre Bovadilla. Ces sentiments furent si unanimes que le roi et la reine blâmèrent hautement la conduite du commandeur et appelèrent à la cour, par une lettre affectueuse, Christophe Colomb qui s'y rendit avec ses fers. Il y parut un accusateur et non un accusé, prêt à raconter fièrement sa vie et à prouver que lui qu'on disait ambitieux, que lui qu'on disait enrichi dans l'administration de la colonie, il ne possédait que les chaînes dont on l'avait chargé. Mais la reine pleurait, il s'attendrait avec elle, se laissa consoler par ses paroles affectueuses. L'Espagne n'en sut pas moins que celui qui venait de découvrir un monde ne possédait pas une tuile pour abriter sa tête. Quant au fer, qui avait été la récompense de ses services, il voulut les garder toute sa vie, plutôt comme un souvenir de sa réhabilitation que comme un monument de l'ingratitude humaine. « Ces fers, a dit son fils Fernand, je les vis toujours suspendus dans le cabinet de mon père, et il ordonna qu'à sa mort, ils fussent enfermés avec lui dans son cercueil. »